Chapitre 7e. Un peu avant dans la soirée, lorsque Magdalen et Mrs. Reig revinrent de la promenade qu'elles avaient faite à nuit close, le capitaine arrêta la jeune fille qui remontait chez elle pour la mettre au courant de ce qui s'était passé ce jour-là. Il ajouta que, selon lui, l'heure était venue d'amener Mr. Noel Vanstone à faire le plus tôt possible les propositions matrimoniales qu'on devait attendre de lui. Magdalen répondit simplement qu'elle comprenait la portée de ce conseil et ferait ce qui lui était demandé. Le capitaine Reig la pria, puisqu'il en était ainsi, de se joindre à une promenade qu'il ferait le lendemain à 7 heures, avec Mr. Noel Vanstone. « Je serai prête, » répondit-elle. « Avez-vous autre chose à me dire ?»« Non, c'était tout. » Magdalen lui souhaita le bonsoir et rentra chez elle. Pendant les 3 jours de sa réclusion au logis, elle avait manifesté la même répugnance à frayer avec le capitaine plus longtemps qu'il n'était strictement nécessaire. Durant tout ce temps, au lieu de paraître excédée de se trouver sans cesse avec Mrs. Reig, elle s'était associée patiemment, presque avec zèle, aux occupations qui absorbaient sa compagne. Elle qui, jadis, dans toute la liberté de Combraven, se révoltait et protestait contre ce qu'elle appelait la monotonie de sa vie, elle acceptait maintenant, sans un murmure, la monotonie de sa vie autour de la table à ouvrage de Mrs. Reig. Elle qui, autrefois, avait en horreur la simple vue d'une aiguille ou d'un dé, qui jamais n'avait porté un vêtement façonné de ses propres mains, travaillait maintenant à faire la robe de Mrs. Reig et supportait les bévues de Mrs. Reig d'un côté avec autant d'ardeur, de l'autre avec autant de patience, que si elle lui donnait pour but à sa vie tout entière la confection de cet unique vêtement. Tout lui était bon, jusqu'aux vulgaires difficultés d'une façon de robe, jusqu'à l'incessant bavardage de la pauvre créature, à moitié idiote, qui s'enorgueillissait de son concours et se trouvait si heureuse de la garder auprès d'elle. Tout lui était bon de ce qui lui masquait l'avenir et l'empêchait de songer à l'accomplissement de la destinée qu'elle-même s'était faite. Ce caractère profondément atteint trouvait un incompréhensible soulagement dans l'étreinte amicale de la rude main que sa compagne lui tendait parfois. Ce cœur désolé puisait quelque allégement et quelque joie le soir, au moment des adieux, dans le baiser affectueux de Mrs. Reig. L'isolement ainsi fait au capitaine dans sa propre maison ne semblait en rien peser sur son caractère toujours égal et serein. Au lieu d'en vouloir à Magdalen du soin qu'elle mettait à l'éviter, il calculait les résultats probables de cette conduite et lui accordait une approbation sans réserve. Plus elle le négligeait pour rester auprès de sa femme, plus elle se rendait utile comme gardienne volontaire de cette prisonnière qu'il fallait ne pas perdre un instant de vue. Le capitaine avait plus d'une fois songé à révoquer la concession qu'on lui avait extorquée et à prendre sur lui de faire partir sa femme afin d'obvier au danger de sa présence. Son seul motif pour renoncer à cette idée avait été la certitude que Magdalen, bien sérieusement et pour tout de bon, avait formé le projet de tenir compagnie à Mrs. Reig. Aussi longtemps qu'elles étaient réunies, son inquiétude la plus sérieuse n'avait plus de fondement. Aussi longtemps qu'il restait dehors, elle demeurait enfermée sous clé, suivant le désir qu'il en avait manifesté. Or, il savait que s'il ne pouvait compter beaucoup sur la docilité suspecte de Mrs. Reig, Magdalen, du moins, maintiendrait la porte bien close jusqu'à son retour. Ce soir-là, le capitaine Reig fuma son cigare en pleine sécurité. Il savoura son grog tout à son aise, ne se doutant pas du piège que Mrs. LeCount lui avait tendu pour le lendemain matin. À 7 heures très précises, Mr. Noel Vanstone fit son entrée. Il avait à peine franchi le seuil de la chambre que le capitaine découvrit, dans la physionomie et l'attitude du petit homme, un changement qui lui parut suspect. « Anguille sous roche, » pensa-t-il, « nous n'en avons pas encore fini avec Mrs. LeCount. » « Et Mrs. Bygrave, comment va-t-elle ce matin ?» demanda Mr. Noel Vanstone. « Assez bien, je l'espère, pour notre promenade matinale. » Ses yeux à demi fermés que la clarté du matin semblait éblouir et que l'air frais du matin faisait pleurer, promenait par toute la chambre des regards furtifs. Lui-même, tandis qu'il faisait poliment toutes ses questions, passait d'un fauteuil à l'autre sans trouver une place qui parût lui convenir. Ma nièce va mieux. Elle s'habille pour sortir avec nous, répondit le capitaine qui, tout en parlant, ne cessait d'observer son mobile petit ami. Monsieur Vanstone, ajouta-t-il tout à coup, je suis un Anglais pur sang. Pardonnez-moi de vous dire, sans autre forme, ce qui me passe dans l'esprit. Vous ne venez pas à moi ce matin aussi cordialement que vous le fîtes hier. Il y a quelque chose d'incertain dans l'expression de votre physionomie. Je me défie, monsieur, de cette femme de charge dont nous avons parlé. A-t-elle abusé de votre indulgence? Aurait-elle essayé d'envenimer votre esprit, ou contre moi, ou contre ma nièce? Si Mr. Noel Vanstone eût obéi aux injonctions de Mrs. LeCount, et sans y regarder, conservé dans sa poche le petit bout de papier qu'elle lui avait remis, jusqu'au moment même où elle lui avait prescrit de l'ouvrir, la brusque et habile sortie du capitaine Raig ne l'eût point embarrassé. Mais, trop faible pour résister à un mouvement de curiosité, il avait ouvert dès le soir même la note en question. Il l'avait encore lue le matin. Elle l'avait sérieusement troublée, rendue perplexe. Et dans l'agitation d'esprit où elle l'avait plongée, il ne gardait pas même l'usage de ses ressources ordinaires. Aussi hésita-t-il, et sa réponse, quand il réussit à la pouvoir formuler, commença par une équivoque manifeste. Le capitaine Raig ne lui laissa pas même achever sa première phrase. « Excusez-moi, monsieur, » interrompit-il en prenant ses plus grands airs. « Si vous avez des secrets à garder, il suffit de le dire et je n'insisterai pas. Je ne prétends empiéter sur les secrets de personne. D'un autre côté, monsieur Vanstone, il faudra bien me permettre de vous rappeler que, dans notre causerie d'hier, je n'ai gardé moi-même aucune réserve. Je vous ai admis, monsieur, à mes confidences les plus sincères et les plus complètes. Et si haut que je prise le bénéfice de mes relations avec vous, je ne m'abaisserai jamais à cultiver votre amitié sur un autre pied que celui de l'égalité la plus parfaite. » Il ouvrit là-dessus son vénérable paletot, dont il écarta les revers avec une indicible majesté. Puis il laissa tomber sur son hôte le regard d'un censeur austère et vertueux. « Mes intentions sont bonnes !» s'écria Mr. Vanstone d'un ton plaintif. « Pourquoi m'interrompre, Monsieur Bygrave? Pourquoi ne pas me laisser m'expliquer? Mes intentions sont bonnes, je n'entends blesser qui que ce soit. » « Et personne ici n'est blessé, » dit le capitaine. « Vous avez parfaitement le droit de garder par devers vous tout ce qu'il vous plaira de taire. Je n'ai pas celui de m'en offenser. Je me bornerai donc à réclamer pour moi les privilèges que je vous reconnais. » Il se leva d'un air très digne et tira le cordon de la sonnette. « Avertissez, Miss Bygrave, » dit-il à la domestique, « que notre promenade de ce matin est ajournée jusqu'à une autre occasion, et que je n'entends pas lui donner la peine de descendre. » Ce procédé un peu violent produisit l'effet voulu. Mr. Noel Vanstone insista pour obtenir, avant l'envoi du message, un instant de conversation particulière. La rigueur du capitaine Raig se détendit quelque peu. Il renvoya la domestique dans les régions inférieures, et reprenant son fauteuil, il attendit avec confiance les résultats de son habile manœuvre. En calculant les moyens d'exploiter la faiblesse intellectuelle de son hôte, il avait une grande supériorité sur Mrs. LeCount. Son jugement n'était point faussé par de latentes jalousies féminines. Il n'était pas tombé dans cette erreur où la femme de charge s'était laissée entraîner par son amour-propre, celle d'évaluer trop bas l'impression produite par Magdalen sur Noel Vanstone. Une des forces de ce bas monde, que méconnaîtra toujours la femme d'un âge mûr quand cette force opère contre elle, c'est l'empire de la beauté chez une femme plus jeune qu'elle ne l'est elle-même. « Vous êtes impétueux, monsieur Bygrave. Vous ne donnez pas aux gens le temps de se reconnaître. Vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à vous dire. » s'écria Mr. Noel Vanstone, toujours lamentable, quand la domestique eut refermé la porte du salon. « C'est, monsieur, un défaut de famille. L'ardeur de sang qu'on reproche au Bygrave. Recevez toutes mes excuses. Nous voilà seuls, comme vous le désiriez. Continuez, je vous en supplie. » Placé entre l'alternative de renoncer à son entrevue avec Magdalen ou celle de trahir Mrs. LeCount, n'ayant pour l'éclairer aucun soupçon de l'objet que se proposait la femme de charge, intimidé par le regard scrutateur que le capitaine Raig tenait arrêté sur lui, Mr. Noel Vanstone ne fut pas longtemps à faire son choix. Il raconta, non sans confusion, son étrange entrevue de la veille au soir avec Mrs. LeCount, et tirant de sa poche le pli qu'elle lui avait remis, il le plaça dans la main du capitaine. Celui-ci, du moment où il vit la note mystérieuse, se douta vaguement de la vérité. Pour en prendre connaissance, il se rapprocha de la fenêtre. Les premières lignes qui fixèrent son attention furent celles-ci. « Faites-moi le plaisir, monsieur Noël, de comparer la jeune personne qui est maintenant devant vous avec le signalement placé à la suite de ces lignes et qui m'a été communiqué par un ami. Vous saurez le nom de la personne d'après laquelle il est fait, nom que j'ai laissé en blanc, dès que le témoignage de vos propres yeux vous aura réduit à croire ce que vous n'auriez jamais voulu reconnaître pour vrai sur le témoignage isolé de Virginie LeCount. » Ce fut assez pour le capitaine. Avant d'avoir lu un seul mot du signalement lui-même, il devina ce qu'avait fait Mrs. LeCount et comprit avec un profond sentiment d'humiliation que son ennemi le prenait au dépourvu. Il n'y avait pas à réfléchir longuement. Le complot tout entier était menacé d'une ruine irréparable. L'unique ressource du capitaine Reig était d'agir à l'instant même en s'abandonnant aux impulsions de sa témérité naturelle. Il lisait le signalement ligne après ligne, et pourtant, cette prompte faculté de mensonge qui jamais encore ne l'avait laissé dans l'embarras résistait en ce moment à ses appels réitérés. Il en vint à la phrase finale, à ces derniers mots qui mentionnaient les deux petits signes placés sur le cou de Magdalène. Devant ce passage qui complétait la description, une idée subite lui traversa l'esprit, ses yeux mi-partis étincelèrent, ses lèvres souples se relevant par leurs coins dessinèrent un arc plus prononcé. Reig venait de renaître. Il se détourna brusquement de la croisée et fixa son regard sur le visage de Noël Vanstone avec un calme forcé, prélude inévitable de quelque grave communication. « Auriez-vous par hasard, monsieur, quelques renseignements positifs sur la famille de Mrs. LeCount ?» demanda-t-il à son interlocuteur. « C'est une famille respectable, » dit Mr. Noel Vanstone, « mais je n'en sais pas autre chose. Pourquoi cette question, s'il vous plaît ?»« Je ne suis pas un homme à gageurs, » poursuivit le capitaine Reig, « mais en cette occasion, je tiens dans la somme qu'il vous plaira. Si vous voulez parier avec moi qu'il y a, dans la famille de votre femme de charge, une veine de folie. »« De folie ?» répéta Mr. Noel Vanstone, véritablement stupéfait. « De folie !» réitéra le capitaine, frappant la note du bout de ses doigts par un geste tout à fait doctoral. « Je vois dans chaque ligne de ce déplorable document la ruse particulière aux fous, leur humeur soupçonneuse, leur trahison, leur perfidie féline. Il y a, monsieur, pour expliquer la conduite de Mrs. LeCount envers ma nièce, une raison plus alarmante que je ne l'avais d'abord soupçonnée. Il est évident pour moi que Miss Bygrave ressemble à quelque autre jeune personne qui aura sérieusement offensé votre femme de charge, qui peut-être s'est trouvée jadis mêlée au début de son infirmité mentale et que dans le désordre de son esprit, elle confond présentement avec ma nièce. Telle est, monsieur Vanstone, ma conviction bien arrêtée. Je puis avoir raison, je puis avoir tort. Tout ce que j'en dirai, c'est que ni à vous ni à personne, il ne sera possible d'assigner un motif sensé pour expliquer la production de cet incompréhensible document, ou l'usage que l'on vous demande d'en faire. Je ne crois pas que LeCount soit folle, dit Mr. Noel Vanstone, avec un regard extrêmement vague et une attitude fort peu assise. Avec mes habitudes d'observation, jamais, non, jamais, LeCount n'aurait pu devenir folle à mon insu. Oh, à merveille, mon cher monsieur. Je la crois le jouet d'une illusion insensée. Selon vous, elle a toute sa raison, et doit agir en vertu de quelque mystérieux mobile que ni vous ni moi ne pouvons approfondir. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun mal à vérifier la description de Mrs. LeCount, non seulement à titre de curiosité, mais pour notre propre satisfaction particulière, tant la vôtre que la mienne. Il est impossible, cela va sans le dire, de prévenir ma nièce qu'on va la soumettre à un examen aussi singulier que celui dont votre note suggère l'idée. Mais, monsieur Vanstone, vous pouvez vous servir de vos yeux, prendre ensuite votre parti et, que vous la jugiez folle ou raisonnable, dire à votre femme de charge, sur le témoignage même de vos sens, qu'elle est tout à fait dans l'erreur. Revoyons un peu cette description. La plus grande partie ne vaut pas un fétu de paille comme moyen de constater une identité quelconque. Des centaines de jeunes personnes ont la taille mince, le teint des blondes, les cheveux bruns clairs, les yeux gris clairs. Vous me direz, en revanche, qu'on ne trouverait pas des centaines de jeunes personnes ayant deux petits signes tout près l'un de l'autre, sur le côté gauche du cou. Ceci est parfaitement exact. Ces signes nous fournissent donc ce que nous autres savants nous appelons une épreuve cruciale. Quand ma nièce descendra, monsieur, je vous autorise à prendre la liberté de regarder son cou. » Mr. Noel Vanstone témoigna qu'il goûtait fort l'épreuve cruciale, par une bouche en cœur et des sourires qu'il n'avait pas encore eus ce matin-là. « De regarder son cou, » répéta le capitaine qui, après avoir rendu à son hôte le perfide petit billet, se dirigea lentement vers la porte. « Je vais moi-même là-haut, monsieur Vanstone, inspecter le costume de promenade choisi par Miss Bygrave. Si elle a, sans le savoir, opposé quelques obstacles à votre examen, si ses cheveux descendent un peu trop bas, si sa chemisette remonte un peu trop haut, j'emploierai mon influence, sous le premier prétexte dont je pourrais innocemment m'aviser, pour que ces obstacles soient écartés. Tout ce que je demande, c'est que vous mettiez discrètement à profit l'occasion que je vous offre, et que ma nièce ne puisse pas se douter de l'examen dont elle va être l'objet. » À peine fut-il hors du salon, le capitaine Reig, grimpant l'escalier 4 à 4, courut frapper à la porte de Magdalen. Elle lui ouvrit, tout habillée pour la promenade, obéissant au signal qui devait, conformément à leur convention, la faire descendre au rez-de-chaussée. « Qu'avez-vous fait de vos fards et de vos poudres ?» demanda le capitaine, sans perdre un mot en explication préliminaire. « Ils n'étaient pas dans la caisse des travestissements que j'ai vendue à Birmingham pour votre compte. Où sont-ils ?»« Je les ai ici, » répondit Magdalen. « Dans quel but pouvez-vous les réclamer maintenant ?»« Apportez-les à l'instant même dans mon cabinet de toilette. Tout l'assortiment, pinceaux, palettes et le reste. » Ne perdez pas votre temps à m'interroger. Je vous dirai, une fois à l'œuvre, ce qui nous arrive. Les instants sont comptés, chaque minute à son prix. Suivez-moi, sans plus tarder. » Sa physionomie attestait qu'il avait de sérieux motifs pour lui adresser, à brûle-pourpoint, cette brusque proposition. Magdalen prit avec elle sa collection de cosmétiques et le suivit dans le cabinet de toilette. Il ferma la porte, installa sa nièce sur un fauteuil près de la croisée, et lui expliqua rapidement ce qui était arrivé. « Nous sommes sur le point d'être découverts, » continua le capitaine, qui mêlait soigneusement ses couleurs avec une colle liquide, et y ajoutait un cicateur puissant, extrait d'un flacon qu'il avait apporté lui-même. « Il ne nous reste qu'une chance. Soulevez un peu votre chignon du côté gauche. J'ai dit à Mr. Noel Vanstone de vous inspecter à la dérobée, et je vais donner un démenti direct à ce démon de la Gante, en cachant vos signes sous une couche de peinture. « Vous n'en viendrez jamais à bout, » dit Magdalen. « Aucune couleur ne tiendra sur eux. »« Aucune, excepté la mienne, » répéta le capitaine Reig. « J'ai dans mon temps exercé une foule de professions, et entre autres celle des peintres. Entendîtes-vous jamais parler de ce que nous appelons un œil poché ? J'ai vécu plusieurs mois durant dans le voisinage de Drury Lane, avec les yeux pochés pour toute ressource. » Ma couleur de chair tenait sur les meurtrissures de toute espèce, de toute nuance, de toute dimension. Elle tiendra, je vous le garantis, sur vos signes. » Cette assurance donnée, le capitaine trempa son pinceau dans un petit pain de couleur opaque qu'il avait délayé au fond d'une soucoupe, en la graduant, autant que l'avait permis la nature des matériaux qu'il employait, d'après la couleur de la peau de Magdalen. Quand il eut passé, sur le côté du cou soumis à son opération, un mouchoir de batiste saupoudré d'une espèce de farine, il posa du bout de la brosse sur chaque signe successivement une double couche de couleur. À ce travail, quelques instants suffirent, et les signes disparurent comme par magie. Pour découvrir l'artifice qui les avait si bien dissimulés, il eut fallu y regarder de fort près. À 2 ou 3 pieds de distance, cet artifice était complètement invisible. « Attendez ici 5 minutes que tout cela soit bien sec, » dit le capitaine Reig, « et venez ensuite nous rejoindre au salon. Mrs. LeCount elle-même, si elle vous regardait à présent, serait singulièrement embarrassée. »« Un instant, » dit Magdalen, « il est une chose que vous ne m'avez pas dite encore. Comment Mrs. Lecount s'est-elle procuré la description que vous avez lue en bas? Si bien qu'elle m'ait examiné, elle n'a pu voir les signes de mon cou. Ils sont trop en arrière et placés trop haut. Ma chevelure les cache. Qui les connaît? Demanda le capitaine Raig. Magdalen pâlit, tout à coup assaillie par le souvenir de Frank. Ma sœur les connaît, dit-elle d'une voix faible. Mrs. Lecount a peut-être écrit à votre sœur, suggéra le capitaine. Pensez-vous donc que ma sœur dirait à une personne étrangère ce que cette personne n'a point le droit de savoir? À jamais, jamais, croyez-le bien. Personne autre n'a-t-il donc pu le dire à Mrs. Lecount? Les signes étaient mentionnés dans les affiches d'York. Par qui l'avait-il été? Pas par Nora. Peut-être par Mr. Pendril. Peut-être par Miss Garth. Mrs. Lecount alors aurait crié à l'un ou à l'autre. Plus probablement à Miss Garth. L'institutrice devait lui sembler plus maniable que l'avocat. Que peut-elle avoir dit à Miss Garth? Le capitaine Raig réfléchit un moment. « Je ne saurais deviner ce que Mrs. Lecount peut lui avoir dit, » répondit-il. « Je sais seulement ce que j'aurais écrit à la place de Mrs. Lecount. J'aurais commencé par effrayer Miss Garth sur votre compte, à l'aide de quelques mensonges, et j'aurais ensuite demandé un signalement détaillé, mettant un étranger animé des meilleures intentions à même de vous rendre à vos amis. » Un éclair de colère brilla aussitôt dans les yeux de Magdalene. « Ce que vous auriez fait, » dit-elle indignée, « est sans nul doute ce qu'a fait Mrs. Lecount. Mais ni avocat ni institutrice ne m'enlèveront le droit de me conduire à ma guise et d'après ma volonté. Si Miss Garth s'imagine pouvoir gêner ma liberté en se mettant d'accord avec Mrs. Lecount, je prouverai à Miss Garth que c'est là une erreur grossière. Il est grand temps, capitaine Raig, d'en finir avec ces misérables dangers d'une découverte toujours imminente. Nous prendrons le plus court chemin pour atteindre le but que nous avons en vue, et cela dans un moindre délai que Mrs. Lecount ou Miss Garth ne peuvent l'imaginer. Combien de temps me laissez-vous pour enlever l'offre de sa main à ce misérable personnage qui nous attend là-bas? Je n'oserais pas vous laisser longtemps, répondit le capitaine Raig. Maintenant que vos amis savent où vous êtes, ils peuvent d'un jour à l'autre nous tomber sur le dos. Une semaine vous suffira-t-elle? La moitié me suffira, dit-elle avec un rire forcé qui impliquait une sorte de défi. Ménagez-nous ce matin un tête-à-tête comme celui de Dunwich, et pour vous servir d'excuse, emmenez avec vous Mrs. Raig. La peinture est-elle déjà sèche? Descendez alors et dites-lui que j'arrive à l'instant. » Ce fut ainsi que, pour la seconde fois, les efforts bien intentionnés de Miss Garth allèrent à l'encontre du résultat qu'elle voulait atteindre. Ce fut ainsi que la fatalité des circonstances fit de la main qui voulait retenir Magdalene la main qui la poussait en avant. Le capitaine revint retrouver son hôte au salon, après s'être arrêté sur la route pour donner à Mrs. Raig les instructions relatives à sa promenade. « Je suis bien fâché de vous avoir fait attendre, » dit-il, venant se rasseoir amicalement auprès de Mr. Noel Vanstone. « Je n'ai qu'une excuse, c'est que ma nièce s'est coiffée par hasard, de manière à faire échouer notre combinaison. J'ai dû lui persuader de changer l'ordonnance de ses cheveux. Et sur toutes les questions relatives à leur toilette, les jeunes dames, vous le savez, s'obstinent volontiers. Offrez-lui, quand elle viendra, ce fauteuil à votre droite. Et avant de nous mettre en route, inspectez son cou tout à votre aise. » Magdalene entra comme il achevait ses paroles, et immédiatement après l'échange des politesses préliminaires, s'assit de la meilleure grâce du monde sur le fauteuil qui lui était offert. Mr. Noel Vanstone se hâta de procéder à l'épreuve cruciale, non sans une admiration bien sentie pour le coup superbe qui en était l'objet. Pas le moindre vestige d'un signe quelconque ne lui apparut sur cette surface, blanche et polie comme le marbre. Les yeux clignotants de Mr. Noel Vanstone trouvèrent là une réponse muette, mais écrasante, aux assertions téméraires de Mrs. Lecount. Dans tout ce qui était arrivé jusqu'alors, aucun incident n'avait eu l'importance de celui-ci et ne devait entraîner de résultats aussi essentiels. Aucun ne pouvait porter une atteinte aussi rude à l'influence de la femme de charge sur l'esprit de son maître. Quelques minutes après, Mrs. Raig apparut aux yeux étonnés de Mr. Noel Vanstone et produisit sur lui toute l'impression compatible avec l'espèce d'extase où le plongeait la présence de Magdalene. Les promeneurs quittèrent aussitôt la maison et prirent la direction du nord, de manière à ne point passer sous les fenêtres de Sea View Cottage. À l'inexprimable surprise de Mrs. Reig, son mari, pour la première fois depuis qu'ils étaient unis, offrit poliment de lui donner le bras et lui fit prendre les devants comme s'il attachait tout à coup un grand prix à se promener avec elle dans un tendre isolement. « A-t-il pas ?» murmurait cependant le capitaine, plus impérieux que jamais. « Votre nièce et Mr. Vanstone ne veulent être laissés à eux-mêmes. Si je vous prends à regarder de leur côté, je mettrai au feu de la cuisine votre robe de cachemire orientale. » Les pieds en dehors, s'il vous plaît, et marchez à mon pas. » Mrs. Reig, au mieux de ses talents si bornés, tâchait de régler sa marche sur celle de son redoutable époux, mais ses genoux roidis tremblaient sous elle. On ne lui aurait pas ôté de la tête que le capitaine avait bu un coup de trop. La promenade dura un peu plus d'une heure. 9 heures n'étaient pas sonnées quand les deux couples rentrèrent à North Shingles. Les dames remontèrent immédiatement chez elles. Mr. Noel Vanstone demeura dans le jardin avec le capitaine Reig. « Eh bien, dit ce dernier, que pensez-vous à présent de Mrs. LeCount ?»« Où diable soit-elle ? » répondit Mr. Noel Vanstone fort agité. « Me voilà presque d'accord avec vous. Je suis à peu près tenté de penser que mon infernale ménagère a perdu la tête. » Il parlait par saccades et à regret, comme si la plus simple allusion à Mrs. LeCount lui causait une impression désagréable. Il changeait à chaque instant de couleur. Son attitude était distraite, indécise. Il allait et venait, sans s'arrêter un instant, d'un côté à l'autre des allées. Un observateur beaucoup moins subtil que le capitaine Reig aurait deviné sans hésiter que Magdalene avait accueilli les avances du petit homme avec une grâce, un bon vouloir tout à fait encourageant, et que l'imprévu de la situation le mettait hors de lui. « Jamais une promenade ne m'a aussi bien réussi, » s'écria-t-il tout à coup, saisi d'une espèce d'enthousiasme. « J'espère que la santé de Miss Bygrave s'en trouvera mieux. Sortirez-vous demain à la même heure? Pourrais-je vous accompagner ?»« Rien ne s'y oppose, Monsieur Vanstone, » répondit le capitaine en toute cordialité. « Mais permettez-moi d'y revenir. Que comptez-vous dire à Miss LeCount ?»« Je n'en sais rien. LeCount est un embarras fâcheux. À ma place, Monsieur Bygrave, que feriez-vous ?»« Avant de vous répondre, mon cher monsieur, laissez-moi vous interroger. » « À quelle heure déjeunez-vous ? » ?»« À 9h30. »« Mrs. LeCount se lève-t-elle de bonne heure ?»« Non. LeCount paraissent volontiers le matin. Je déteste les femmes paresseuses. »« À ma place, voyons, que lui diriez-vous ? » ?»« Absolument rien, » répondit le capitaine Reig. « Je rentrerai immédiatement par les derrière. »« Je m'arrangerai pour que Mrs. LeCount me vit dans le jardin et supposa que je fais un tour avant le déjeuner. »« Elle me croirait à peine sortie de ma chambre. » En supposant qu'elle vous demande si vous comptez nous venir voir aujourd'hui, répondez que non. Ménagez-vous une existence tranquille jusqu'à ce que vous soyez forcé de répondre à ces questions. Vous lui direz alors la vérité toute simple. Vous lui direz que la nièce de Mr. Bygrave et le portrait de cette nièce par Mrs. LeCount diffèrent absolument dans le détail le plus essentiel. Vous la prierez de ne plus revenir sur ce sujet. Tel est mon avis. Qu'en pensez-vous ? Si Mr. Noel Vanstone avait pu lire dans l'esprit de son nouveau conseiller, il aurait trouvé sans doute que les avis et les intérêts du capitaine étaient merveilleusement d'accord. Tant qu'on pourrait laisser ignorer à Mrs. LeCount les visites de son maître aux habitants de North Shingles, elle attendrait patiemment l'occasion de vérifier ses conjectures par une épreuve décisive. Et tant qu'il en serait ainsi, on devait espérer qu'aucune nouvelle tentative de sa part ne viendrait entraver la marche du complot. Nécessairement incapable d'envisager sous cet aspect les conseils du capitaine Reig, Mr. Noel Vanstone n'y voyait tout simplement qu'une ressource provisoire contre la nécessité de s'expliquer avec sa femme de charge. Il s'empressa de déclarer que cette marche serait fidèlement suivie par lui de point en point et, sans autre délai, repartit pour Sea View. En cette occasion, la conduite de Mrs. LeCount réalisa fort exactement les prévisions du capitaine Reig. Elle ne s'était pas doutée que son maître fût allé à North Shingles. Elle avait pris son parti d'attendre patiemment jusqu'à la fin de la semaine, s'il le fallait, le résultat de l'entrevue qu'il devait avoir avec Miss Bygrave. Elle ne l'embarrassa donc par aucune question imprévue, quand il manifesta l'intention de n'avoir ce jour-là aucun rapport personnel avec les Bygrave. « Serait-ce que vous ne vous trouveriez pas assez bien, monsieur Noël ?» lui demanda-t-elle seulement. « Ou que cette démarche vous inspire quelque répugnance ?» Il répondit en fort peu de mots qu'il ne se trouvait pas assez bien, et la conversation en resta là. Le lendemain matin, tout se passa fort exactement comme la veille. Seulement cette fois, Mr. Noël Vanstone rapporta chez lui, dans la poche de son gilet, un bien cher souvenir. Il s'était emparé, le tendre berger, d'un des gants de Miss Bygrave. Pendant toute la journée, chaque fois que de temps en temps il se trouvait seul, il prenait ce gant et le baisait avec une ferveur presque passionnée. C'était là, pour le malheureux petit avorton, des moments de bonheur volé, dont les muettes et furtives délices lui procuraient une sensation toute nouvelle. Les jeunes filles, en bien petit nombre, qu'il avait pu rencontrer à Zurich, dans le cercle très borné des relations de son père, éprouvaient un malin plaisir à le traiter comme une sorte de jouet bizarre. L'impression qu'il avait paru produire sur ces jeunes cœurs était de nature à lui donner pour rival le premier bichon venu. L'intérêt le plus vif qu'il eût réussi à leur inspirer égalait à peine celui qu'elles eussent pris à quelques colifichets, à quelques chiffons nouveaux. Les seules femmes qui jusqu'alors eussent paru solliciter son admiration et vouloir prendre ses compliments au sérieux étaient de celles qui sentent leur charme se flétrir et diminuer rapidement leurs chances d'y mener. Pour la première fois de sa vie, il venait maintenant de goûter quelques heures de félicité auprès d'une belle jeune fille et il l'avait quittée sans emporter avec lui un de ces souvenirs humiliants qui froissent l'amour-propre d'un homme et le rabaissent dans sa propre estime. Quelques soins qu'il prit pour le cacher, le changement produit dans sa physionomie et dans toute sa manière d'être par le sentiment nouveau qui venait de s'éveiller en lui, ne pouvait complètement échapper à Miss Lecount. Elle lui demanda, le second jour, soulignant ses mots, s'il n'avait pris aucun arrangement pour sa visite au Bygrave. Sa réponse fut encore négative. « Peut-être irez-vous demain, monsieur Noël ?» reprit la femme de charge avec une certaine insistance. Il était à bout de ressources. Il lui tardait d'échapper à cette inquisition perpétuelle. Il comptait sur l'assistance de son ami de North Shingles, et cette fois, il répondit affirmativement. « Si vous voyez la jeune personne, » continua Miss Lecount, « veuillez, monsieur, ne pas oublier cette petite note que j'ai placée moi-même dans la poche de votre gilet. » Ni de part ni d'autre, il n'en fut dit davantage. Mais par le courrier même de ce jour, la femme de charge écrivit à Miss Garth. Sa lettre était un simple accusé de réception, accompagné de remerciements pour la communication déjà reçue. Et Miss Garth était prévenue, de plus que Miss Lecount espérait se trouver à même, sous très peu de jours, de lui écrire encore pour convoquer Mr. Pendrill à venir explorer Aldborough. Assez avant dans la soirée, au moment où le salon de North Shingles commençait à s'obscurcir, et où le capitaine allait sonner comme de coutume pour demander de la lumière, il fut étonné d'entendre dans le couloir la voix de Magdalene enjoignant à la domestique de remporter les bougies. Elle frappa aussitôt à la porte et glissa dans l'obscurité comme une espèce de fantôme. « J'ai à vous poser une question sur vos projets pour demain, » lui dit-elle. « Mes yeux ce soir sont très affaiblis, et j'espère que vous me permettrez de vous priver de lumière pendant quelques instants. » Elle parlait ainsi d'une voix sourde, cherchant à tâtons dans la partie la plus ténébreuse de la pièce, un fauteuil éloigné de celui du capitaine. Assis près de la croisée, c'est tout au plus s'il discernait le vague contour de ses vêtements, tout au plus s'il entendait les accents de sa voix affaiblie. Il ne l'avait vue, depuis 2 jours, qu'aux heures de leur promenade matinale. Dans l'après-midi, ce jour-là, il avait trouvé sa femme en pleurs, au fond de l'arrière-cabinet du rez-de-chaussée. Tout ce qu'elle avait pu lui dire, c'est que Magdalene l'effrayait. Que Magdalene en revenait au point où l'avait vue après l'arrivée de la lettre de Chine, lors de ce terrible séjour à Vauxhall Walk. « J'ai appris avec regret, dit Mrs. Reig, que vous étiez un peu souffrante aujourd'hui, dit le capitaine, qui, presque sans le savoir, baissait la voix au diapason des confidences les plus intimes. « Qu'importe, répondit-elle avec calme, du sein des ténèbres où elle était plongée. « Je suis assez forte pour souffrir beaucoup et survivre encore. D'autres jeunes filles à ma place auraient été plus heureuses. Elles seraient mortes à la peine. Encore une fois, cela importe fort peu. D'ici à 100 ans, il n'en sera ni plus ni moins. Doit-il revenir demain matin à 7 heures ? Sans doute, si vous n'y voyez pas d'objection. Je n'ai plus d'objection à quoi que ce soit. Je voudrais seulement que l'heure fût changée. Je ne suis pas à mon avantage de si bon matin. Mes nuits sont mauvaises. Je me lève pâle et défaite. Écrivez-lui ce soir et donnez-lui rendez-vous pour midi. Midi, vu les circonstances, c'est une heure quelque peu tardive. Nous serons en vue pendant la promenade. Je n'ai point le projet de me promener. Vous le ferez entrer au salon. Sa voix s'éteignit ici avant que la phrase fût achevée. Et puis, reprit le capitaine Raig. Et puis, vous me laisserez au salon seul avec lui. Fort bien, je comprends, dit le capitaine. Je me tiendrai à l'écart dans la salle à manger, tout le temps de sa visite, et quand il sera parti, vous viendrez me rendre compte. Il y eut un autre moment de silence. Sera-t-il absolument nécessaire de vous parler ? Demanda-t-elle tout à coup. Je puis me contenir pendant que je l'ai là près de moi, mais je ne sais ensuite ni ce que je fais ni ce que je dis. N'est-il donc pas quelque autre moyen de communiquer ensemble ? J'en sais une foule, dit le capitaine, et je prends au hasard le premier qui me vient à l'esprit. Baissez, avant qu'il n'arrive, la persienne de votre chambre. J'irai me promener sur la côte, et j'attendrai là, en vue de la maison. Lorsque je le verrai sortir, j'aurai l'œil sur votre fenêtre. S'il n'a rien dit de décisif, la persienne restera baissée. Levez-la, au contraire, s'il vous a régulièrement offert sa main. Ce signal est d'une simplicité primitive. Il ne peut donner lieu à aucun malentendu. Soyez demain aussi belle que vous le pourrez. Assurez-vous de lui, cher enfant. Assurez-vous de lui pour que cela ne soit pas impossible. Il avait parlé assez haut pour être certain qu'elle l'avait entendu, mais pas un mot de réponse n'émana d'elle. Le profond silence qui régnait autour d'eux ne fut troublé que par le bruissement de sa robe de soie, lequel apprit au capitaine que Magdalène venait de quitter son siège. Il entrevit de nouveau, traversant le salon, sa forme vague aux allures de spectre. La porte se referma doucement, elle était partie. Il se hâta de sonner à tour de bras pour avoir de la lumière. La domestique le trouva debout près de la fenêtre, l'air beaucoup moins posé qu'à l'ordinaire. Il lui dit qu'il se sentait un peu souffrant, et l'envoya au buffet chercher le porte-liqueur. Quelques minutes avant midi, le lendemain, le capitaine Raig alla occuper son poste d'observation, prenant soin de s'abriter derrière une barque de pêcheurs échouée sur la plage. Au coup de l'horloge, il vit Mr. Noel Vanstone s'acheminer ponctuellement vers North Shingles et ouvrir la porte du jardin. Lorsque celle de la maison se fut refermée sur cet empressé visiteur, le capitaine Raig, s'adossant confortablement au flanc de la barque, alluma un cigare de bonne grosseur. Il fuma une demi-heure, et même 10 minutes de plus, au témoignage de sa montre. Le cigare ne quitta ses lèvres, presque entièrement consumées, qu'au moment où elles ne purent plus le retenir. Et comme il venait d'en jeter le bout, la porte du jardin se rouvrit. Noël Vanstone se retirait. Le capitaine leva aussitôt les yeux vers la fenêtre de Magdalène. Absorbé tout entier par l'agitation de ce moment décisif, il comptait à demi-voix les secondes. Du salon à sa chambre, la jeune fille pouvait arriver en 1 minute. Il compta jusqu'à 30 et rien ne changea. Jusqu'à 50, il en fut de même. Alors il cessa de compter et, dans son impatience, quitta la barque pour s'en revenir au logis. À son premier pas dans cette direction, il vit le signal. On relevait la persienne. Remontant avec précaution la pente des grèves, le capitaine Raig eut soin de regarder vers Sea View Cottage avant de se produire sur le champ de parade. Mr. Noel Vanstone était de retour chez lui et franchissait justement le seuil de sa maison. Si pour chausser vos souliers, on me proposait tout l'argent que vous avez, disait le capitaine en le suivant de l'œil, quelque riche que vous puissiez être, je refuserais.